of El Salten, or begin a journey to climb Mount Fitzroy. The place is ideal also for trekking, horse riding, climbing, photo safaris, etc. Finally, we have read a passage from a book written by Argentine naturalist and explorer Francisco Moreno. And reveals his thoughts about that marvelous region. His life has been exciting. He has even been a hostage of Chief Sayweche in time of the war against the last Huilliche Indians. Chers amis francophones, bonjour. LERA 36 transmet en français et en anglais la dernière partie de son émission. Les speakers de LERA 36 sont Madame Liliana Ramirez et Madame Adriana Figueroa. Les opérateurs techniques, M. Massimo Cardoso et M. Juan Carlos Sandoval. La chanson du début de notre émission appartient à Mariano Mores et à Léon Benaro. En 1876, le naturaliste et explorateur Francisco Pascasio Moreno, en remontant la rivière Santa Cruz en Patagonie, a découvert un grand lac qu'il a appelé San Martín. Quant au tourisme, on a visité des estancias dans la province de Santa Cruz, l'une qui s'appelle la Maipú, située au bord du lac San Martín et l'autre au bord du lac Viedma, à 150 km de El Calafate, qui s'appelle Helsinco. Les estancias ont tout le confort pour accueillir les touristes, mais il faut réserver les places en avance au bureau du tourisme de la province de Santa Cruz de Buenos Aires, rue 25 de Mayo, 277, premier étage, téléphone 344-8-2-7. Les autres montagnes, comme le Fitzroy, qu'on appelle aussi comme Salten, sont la belle silhouette 73. Sur le ciel bleu de la Patagonie, lancent l'air ici au Mandini. Il faut faire des inventions pour conduire sur les routes de montagne. Ce paysage encourage et permet enfin des activités variées comme la pêche, le trekking, le camping et l'aventure de longues randonnées solitaires. Pour parcourir le lac Viedma et le Mont, il est arrivé jusqu'à la localité de El Salten, située du lac Viedma. Cette petite ville offre de très nombreux campings. Deux excursions sont recommandées. Il s'agit pour la première d'une marche de 4 ou 5 heures dans un pittoresque bois de Lenga jusqu'au campement de base qui utilise ce qui sont la fonction du mont Fitzroy. Le campement offre des refuges de montagne. De là, on peut visiter la lagune de Los Tres, la lagune Sucia, la base du Cerro Matzen ou encore ce perfe entre lagunes et glaciers qui se brise en cascade. Nous proposons aux plus aventureux une ascension au Mont Fitzroy, ascension qui commence par un sentier en plein bois. Le sentier s'ouvre et débouche sur le circuit le plus facile qui arrive à la lagune Sable. De là, on voit quelques-uns des pics les plus impressionnants de l'ensemble. La seconde excursion est un peu plus courte, mais également intéressante. Elle conduit de El Salten à la Laguna Torre, d'une extraordinaire couleur d'émeraude. Un glacier descend des eaux et de là on peut observer les aiguilles de Mont Torre. Un conseil, avant d'entreprendre cette excursion, renseignez-vous sur les conditions du terrain et du climat auprès du garde forestier du lac Viedma ou d'un guide. Nous avons rendu hommage à M. Francisco Moreno, naturaliste et explorateur argentin, en lisant un passage de son livre Voyage en Patagonie australe. La vie de M. Moreno a été passionnante. Il a même été otage des Indiens en 1880 à l'occasion de la persécution des dernières Huilliches dans la province de Neuquén.